Chapitre 30e. Encore un cadavre. Ils abandonnèrent sans plus de regret leur appartement au sort qu'on voudrait bien lui faire, et se dirigèrent vers la rue Jonas, dans une automobile qui attendait non loin du boulevard de Port-Royal. Tom Twig et Zygomar ne pouvaient douter que tout cela ne fût un coup de leur éternel et inlassable ennemi. Mais ils pouvaient supposer, et c'était exact en effet, que le plan mûri à la longue, bien établi, avait été exécuté en l'absence du chef. Car un dernier espoir qu'ils voulaient encore conserver, jusqu'à preuve du contraire, leur disait que cette victoire, Paulin Broquet l'avait probablement payée de sa vie. Tom Twig et Zygomar espéraient fermement apprendre de la bouche de l'homme qu'ils avaient expédié en reconnaissance dans la baleine que dans le piège, dans le formidable Tura, se trouvait le cadavre de Paulin Broquet. À vrai dire, fit Zygomar à Tom Twig, en voyant sortir de la maison enfumée un cadavre sur un matelas, j'ai pensé que tout cela n'avait été fait que pour masquer l'enlèvement du corps de Paulin Broquet. Moi aussi, déclara Tom Twig. Mais j'ai reconnu nos couvertures, le matelas du prince, et j'ai vu que les deux pompiers manœuvraient avec ce corps comme s'il eût été de plume. Donc ce ne peut être celui de Paulin Broquet. D'ailleurs, appuya Tom Twig, il n'aurait pas eu le temps de découvrir le secret du Tura, de le démonter, d'en arracher le cadavre. Donc nous allons le trouver encore là-bas. Ils arrivèrent à la baleine. De l'élégant prince Grigoriski, du docteur Huger, plus rien ne subsistait. Dans l'auto, la transformation avait été faite promptement, et ce furent deux apaches qui, en un coin de rue où personne ne pouvait les voir sortir de la voiture, sautèrent sur le pavé. Dodeline en des épaules, le pas lourd, la tête enfoncée dans le cou, la casquette crasseuse rabattue sur les yeux, ils pénétraient peu après dans la fourgue. Puis ils passaient dans le couloir des patates. Là, ils revêtaient promptement leur cagoule rouge. Ils gagnaient le petit salon occupé maintenant par des aides, veillant sur la trappe. À ce moment, des coups furent frappés à espace convenu, au plancher. Reconnaissant le signal, deux des aides levèrent la trappe. Quelques minutes après, à fleur du sol, apparut la tête convulsée, épouvantée, d'un des hommes envoyés par Zygomar en reconnaissance. Il semblait sans force, prêt à se trouver mal, et sur la figure, sur les habits, sur les mains, il portait d'horribles taches de sang, comme des larmes rouges qu'on aurait projetées sur lui. « Ah ! » s'écria-t-il, « c'est épouvantable !»« Parle, parle !» lui dit Zygomar. « Qu'y a-t-il » L'homme, presque sans voix, répondit « L'autre, pris par le Tura, écrasé, mort, affreux !» Et il s'évanouit. À cette nouvelle, dont il ne saisissait que ceci, mort, les aides tressaillirent. L'ombre terrifiante du détective passa devant leurs yeux affolés. Mais Zygomar s'était dressé, ses yeux brillaient d'un éclat de haine, de rage. Sans dire un mot, il s'engagea dans l'ouverture de la trappe et se mit à descendre dans l'escalier de grès. Tom Twig le suivit. Derrière eux descendirent quelques aides. Ils se munirent de lampes, de torches qui répandaient une lueur rougeâtre sinistre. Ils ne marchèrent pas, ils coururent jusqu'à la fin du souterrain, à la porte derrière laquelle Paulin Broquet avait placé le piège. L'imbécile! Avait dit en chemin Zygomar à Tom Twig. Il n'a que ce qu'il méritait. Pourquoi est-il entré dans la cave? Nous lui avions cependant bien expliqué la position du Tura. Il n'avait pas à passer dans la cave. Il ne devait que constater le déclenchement d'un des pièges et la mort de l'homme. Voir s'il le pouvait, s'il reconnaissait Paulin Broquet et nous apporter la nouvelle. Mais quand arrivé au mur où finissait le souterrain, quand par la petite porte ouverte il aperçut le piège fermé, et que d'entre les mâchoires, comme d'une gueule pleine, rassasiée, sortirent des lambeaux de chair, des filets de sang, Zygomar ne put retenir un juron de rage. Il n'avait pas besoin de reconnaître la victime pour savoir que ce n'était ni le détective, ni personne de sa troupe. Zygomar, Tom Twig, qui avait placé le Tura, comprenait que du moment que le piège se trouvait dans ce couloir, derrière cette première porte, c'est que le détective l'y avait placé. Donc la victime était un des aides envoyés en reconnaissance. Alors le cri de mort, dit Tom Twig, n'était pas vrai. Il l'a poussé pour nous tromper, pour nous attirer ici. Zygomar ne répondit rien. Mais s'emparant d'une torche que portait un des aides, il passa par la petite porte, s'engagea dans le couloir sinistre, foulant aux pieds le corps écrasé de son homme, comme Paulin Broquet avait dû le faire sur celui de 14, mais sans doute avec moins de pitié, pour ce malheureux que le détective pour le chien. Il alla regarder par la porte de la cave, voulant se rendre compte si c'était son dernier espoir de vengeance. Le deuxième piège n'avait pas fonctionné. Quand il le vit intact, toujours à sa place, il ne put douter de la victoire complète de Paulin Broquet.